Si je pose dans l'intérieur de mon coude une fleur de glace et que je plie mon bras brutalement sur cette fleur de glace, alors elle transpercera mon air médian et infernal.